J'viens pas des quartiers, rock dans les sachets. J'en ai vendu, j'en ai acheté et braqué. J'connais la reggae, cervelle un trophée. Billions de cadres avant pièce détachée. Broutille dans le passé, bracelet, quelques bifs t'ont mal entassé. Plaqué, diamant, roro, bah oui, si si, c'est ça la vie qu'on a choisi. Un million, deux millions d'or, on est ravi. Montagne est gravi, j'n'ai qu'à les garnis. J'crache et tu te ravis, raciste comme Nagui. J'changerai pas d'avis, ouvert en Larry. Oji, tu connais, toujours à zoner, toujours à fumer. Yuvan sur le toit, débrouillard à jamais. Bédo, j'ai cané, négro m'a cramé. C'est que Calva va pas sortir à cette année. Toujours sur le coup, comme Shenanda. J'me lave avec, je dors avec, mais gros ça brille encore. Et puis j'rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Ice, ice, j'crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Merci pour la moula. Et puis j'rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Merci pour la moule. Merci pour la moule. J'bouge avant que Lucien arrive. J'roule dans le policier arrive. Pas dans le comico, pas dans le comico. Attends que l'avocat s'aligne. De la ganja, de la ligne. Putain, dans cocaïne, on fait ta mine. J'suis dans la gueudro, j'suis dans la gueudro. Y'a que du sale comme médecin m'examine. Ramène le tâche, ramène la cash. T'es dans la tête, j'suis dans le texte. J'suis dans le beaucoup, beaucoup trop d'euros. J'suis sur les gros coups, beaucoup de roro. J'suis dans le banks, j'suis dans le banks. T'es dans le bloc, t'es dans le bloc. J'suis dans les gros coups, beaucoup de moula. J'suis sur les gros coups, beaucoup de dollars. Beaucoup de billets, violets, salaire, gros sous. Plus dans la galère et crédit conso. J'suis dans ta mère et je crédite mensonge. J'prends le game en otage, j'en demande tronçon. J'prends le game en otage, j'en demande rançon. J'garde mes éditions, j'prends tout sur mes chansons. Gonfle Cénibar pour plus d'attention. J'rachute festival pour payer la pension. Comme Shenanda. J'me lave avec, je dors avec, mais gros ça brille encore. Et puis j'rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Ice, ice, j'crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Merci pour la moula. Et puis j'rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Merci pour la moula.